Nom d'un petit mannequin de piste, mais c'est votre heure, Charline. Ben oui, c'est le capitaine Haddock qui parle. Oui, saperlipopette, c'est l'heure. Allez, foncez. Alors, Laetitia Gaillet, c'est le moment des petites pilules. Hein. Si vous voulez revenir demain, je pense que c'est indispensable. Voilà, quelqu'un va vous ramener chez vous. Vous riez jamais de mes bêtises, vous ne riez jamais. Mais vous dites, si vous ne m'aimez pas, sans déconner. On vous aime. Voilà, allez, à demain quand même. Oui. Merci Laetitia Gaillet, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Ah non, moi je fais pas, moi je range jamais pour moi, je vais pas ranger pour lui. Exactement, moi j'habite dans 14 mètres carrés, c'est très bien. Salut les amis. Salut Charline. Oh, c'est quoi toute cette agitation là? Bah, on se rend compte de Maximi. Bah ouais, c'est super. C'est super. C'est sûr qu'à la fin de l'émission, il va le demander. Mais quoi ça? Bah, de venir dormir chez nous. Et alors? Bah, moi les SDF, j'aime bien dans la rue. Mais t'as qu'à le prendre, toi. Ah bah, moi je le réaccueille volontiers. Bah, j'ai des amis à la maison ce soir. De toute façon, ça ne se fait pas. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est comme ça. Dans nos sociétés civilisées, on ne demande pas aux gens d'aller dormir chez eux. Chez les papous, s'il veut, il a qu'à aller dormir chez les papous. Et oui, bien sûr. Et en fait, vous n'êtes pas du tout ouverts, les gars. Moi, je lui demande d'aller dormir chez lui. Et mon appartement, si tu veux, c'est ma bulle. Moi, c'est pareil, moi, c'est mon cocon, il n'y a personne qui y rentre. Et on tient cette solitude, c'est vital. Mais ça se comprend. Et puis, on ne connaît pas cet homme. Bah oui, c'est vrai, ça se trouve, il n'a pas une bonne hygiène. Et ça se trouve, il pue des pieds. Il pue des pieds. Ah, c'est Léa Salamé, attendez. Allô ? Bonjour. Ouais, salut Léa. Salut Léa. Ah, oulala, non, bah là, je vais pas porter des paniers. Ah, bah non, j'ai des amis chez moi ce soir. Ouais. Mon équipe? Oulala, non, dans mon équipe, je vois vraiment pas qui là. C'est quoi? Non, bah tu vas trouver, ouais. Charline. Allez, ouais, à demain, ciao. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah la pauvre, attends, elle a une fuite chez elle et elle cherche un endroit pour loger ce soir, elle trouve pas. Bah alors, je vous ai sauvé, j'ai dit que c'était pas possible pour vous. Ah, ouais, mais là, c'est pas possible. Mais non, mais les gars, moi je vous comprends, franchement, je voudrais pas vous imposer quelqu'un de votre bulle, votre cocon là. Non. Ça, Léa Salamé chez moi. Bon, en même temps, ça se trouve, elle pue des pieds. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission Qui vote pour départager toute l'émotion de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont être tiraillées entre plusieurs courants jusqu'à 18h. Nous sommes en mesure de vous donner des nouvelles de Pierre Moscovici. Ah. Depuis qu'il a été promu commissaire européen à Bruxelles, on peut vous dire qu'il bosse, hein, ça bosse dur même. La guerre d'Espagne a commencé en 36. En quelle année? En 36. Quoi? La guerre d'Espagne. Terminée en 36? Non, elle a commencé en 36. L'économie du partage fait son chemin jusque dans les entreprises. En attendant, elle est de mieux en mieux intégrée chez les individus. Moi, j'ai un truc pour que mes toilettes soient toujours propres et sentent bon la violette. Je vais chier chez mes voisins. La bière monte en gamme. 56% des Français estiment que la bière peut se déguster tel un vin, un grand cru. Et vous? Qu'est-ce que tu lèves? Les blondes, les brunes, les rousses. Et pour mettre en valeur ces actualités, de premier plan bien sûr, je suis accompagnée d'un proche conseiller, un petit peu le Jacques Séguéla blanc, la force tranquille de la blague, Alex Vizorek. C'est vrai, pas l'eau sans Rolex, mais Jacques Séguéla quand même. Bonjour Charline, bonjour à tous, et autour de la table, grosse équipe de gens qui ont préparé l'émission à fond la caisse, à 17h20, l'encyclopédie du sport approximatif, celui qui enfile ses crampons pour monter sur la patinoire, c'est Samir Bouadi, bonjour. Ça va, salut. Salut, qu'est-ce qu'on a préparé? Un petit truc sur un gentilhomme, Sepp Blatter. Sepp Blatter. Patron de la FIFA. À 17h30, l'encyclopédie du cinéma de travers. Pour lui, le festival de Cannes, ce n'est pas Scarlett, Angelina ou Kate sur le tapis rouge, c'est Geneviève, Micheline et Thérèse sur la croisette. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors, dernier épisode aujourd'hui de mon escapade au festival de Cannes avec les célèbres fêtes cannoises, souvent fantasmées. Alors, alcool, drogue, prostitution? Je suis un peu, tu sais, comme les schtroumpfs. Je vois la nuit. Ouais, donc drogue a priori, ça c'est bon. Et à 17h40, mon encyclopédie de la passion où elle illustrerait chaque mot. Mais pour elle, la meilleure façon de la comprendre reste de lire entre les lignes. Bonjour Clara Dupont-Moneau. Bonjour Alex, il était pas mal celui-là, comme lancement. Ça fait quand même 3 semaines que vous n'avez pas fait un compliment. De quoi vous allez nous parler? Alors, notre personnel politique a visiblement un problème d'intestin. Je vous dirai pourquoi et comment le résoudre grâce à un livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Et si vous n'êtes pas d'accord, prenez le crachoir dans cette émission à travers les réseaux asociaux, Twitter, hashtag annule tout, ou Facebook, parce qu'on aime liker. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République du monde même. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous effectuez votre service militaire au cinéma des armées en 80, quand une défaillance informatique au Pentagone provoque une fausse alerte à l'attaque nucléaire. Vous effectuez des reportages, notamment au Liban pour CBS News en 84, c'est l'année de naissance de Canal+, et vous lancez J'irai dormir chez vous sur France 5 en 2004, c'est l'année où s'arrête brutalement C'est mon choix sur France 3. Un désastre. Et donc vous êtes, je vous laisse nous le dire. Antoine de Maximi. Bienvenue chez nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. C'est l'occasion de dire à Clara Dupont-Mono que notre invité s'appelle Antoine de Maximi. Vous ne connaissez que lui, Clara. Absolument. Bah voilà. Voilà. C'était pas flagrant au début. Hein. Non, mais c'est à cause de la coupe de cheveux. Faut qu'on dise à nos auditeurs, oui, leur faire profiter un petit peu de 3 minutes avant l'émission. Oh, bah non, on va embrayer là. Si, on va sur le sommaire. On a 3 sujets à dépiauter qui sont lourds. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, vous allez nous le raconter, Antoine de Maximi. Alors, justement. Pour Clara, moi, je vais offrir à Clara Dupont-Mono votre ouvrage J'irai dormir chez vous, tome 2 déjà, aux éditions de La Martinière. Il y a notamment, alors il y a énormément de photos et de récits, notamment de moments que vous n'avez pas forcément pu mettre dans vos films d'ailleurs. Exemple en Birmanie, alors que vous vouliez passer la nuit dans des baraquements près de, voilà, chez les ouvriers où vous êtes retrouvé à l'hôtel parce que c'était pas... Bah, la police est venue me chercher. Ah, bah, voilà, c'est ça, entre autres. Et puis il y a un grand chapitre sur le festival Burning Man. Oui. Vous êtes allé donc, j'irai dormir chez l'homme qui brûle. Oui, on et a là, fait une traduction un peu simple. Et là, vous ne semblez pas être rentré indemne. Et d'ailleurs, c'est le plus gros chapitre, me semble-t-il, de votre ouvrage. Ah, mais je suis truffé de séquelles. C'est-à-dire, par exemple... C'est une image, hein, alors, attention. Vous qui avez franchement fait plus de 80 pays, vous oui, avez vu des vertes et des pas mûres. Et alors là le choc. Saignant. Là, le saignant. Mais pourquoi alors? C'est pas saignant. Mais pourquoi? Pour changer, pour aller ailleurs, comme d'habitude. Et là, effectivement, tu veux être ailleurs, tu es ailleurs. Parce que c'est un... Bon, alors, je dis en trois mots, le festival de Burning Man, c'est un gigantesque rassemblement dans le désert du Nevada. 70 000 personnes qui ben c'est, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est une énorme fête, hein, une sorte d'atelier d'artistes, de camp de nudistes, de rêve party, de... Vous prenez une douche collective, il y a des photos d'ailleurs. Oui, on ne me voit pas vraiment tout nu, mais ça livre je l'étais. Et alors là, la photo prend toute son importance, parce que c'est tellement incroyable et foutraque. Ah oui, il faut acheter le livre. Hein. Alors, alors, ça fonctionne par mots, et justement, il y a le mot improvisation. Oui. Et vous dites que vous êtes sorti de J'irai dormir chez l'homme qui brûle. Vous avez certains regrets, c'est-à-dire que vous avez envie d'y retourner. Oui. Et notamment aussi parce que l'improvisation, c'est très très important dans votre travail, parce que vous voulez être, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware totalement. C'est un peu ça l'idée. Oula, il dit ça lui. Bon. Ouvert à tout ce qui se passe et pas, c'est pas préparé, quoi. Oui, c'était pas préparé du tout. Et pour moi, ça a été très difficile parce que faire un film, ça veut dire que c'est toi qui filmes, dans mon cas, parce que je fais un peu tout. C'est toi qui filmes, mais c'est toi qui es devant la caméra. Donc, une partie de ton cerveau doit penser à ce que tu dois faire pour que ton film tienne la route. Et l'autre partie de ton cerveau doit se lâcher pour montrer comme c'est bien. Et ben, ça fait des nœuds là-dedans. C'est compliqué à gérer, quoi. Mais la question qu'on posait à Nicolas Hulot à l'époque, c'est... Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en vacances? Ben, je ne sais pas ce qu'il fait lui, mais moi je sais ce que je fais. En général, je ne vais pas loin. Vous faites des tours de périph' comme ça, en bagnole? Non, des fois je réponds, je vais à Carrefour le samedi, parce que comme ça, il faut dire Leclerc, il faut dire 3 marques, hein, je crois. Oui, non, ça fait. Bon, enfin, et voilà. Oui, on embrasse le CSA. Le CSA. Et là, le CSA, ouais. On peut dire qu'une marque, parce qu'il n'y a pas de concurrent. Oui. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, en parlant du CSA, ils ont le monopole. Ça me fait penser à quelque chose, Antoine de Maximi. Oui. Bon anniversaire. Mais oui. Vous ne saviez pas que c'était votre anniversaire? C'est parce qu'il va y avoir un bruit, c'est ça? Oui, c'est ça, ce qu'on a. On fait des bisous aussi, voilà, c'est ça. Hein, voilà, parce que bon, hein. C'est fou de venir passer votre anniversaire avec nous. Eh ben c'est pas, hein, ça nous fait plaisir. Improviser. Antoine de Maximi, qui publie J'irai dormir chez vous, tome 2, c'est aux éditions de La Martinière. Découvrez des destinations, des photos et les coulisses de vos voyages, hein, les récits, tout ce qu'il n'y a pas dans les films. Il y a plein de photos. Alors, j'imagine, il y a pas mal. Plein d'anonymes qui ont pris les photos. Vous donnez votre appareil, vous dites. Non, la plus, je pense que toutes même d'ailleurs. Toutes même, parce que. Oui, parce que. Mais si, parce que on est passé en haute définition. Et maintenant, ce qu'on filme, eh ben, en fait, c'est assez bon pour en faire des photos. Ah, donc c'est des captations de vos films. Et puis, je fais quelques photos quand même. Si vous voulez encore voir des mauvaises images, on peut nous voir sur franceinter.fr. En train de se planter la tronche. Et trinquons à l'anniversaire d'Antoine de Maximi. Alors, on va mettre les bouteilles d'eau devant. Et la publication de son ouvrage. Vous êtes sur France Inter jusqu'à 18h. On annule tout pour boire un coup. Voilà. Stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra, sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ifi, Dolby, Botox, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP, t'es trop VIP. VIP sur France Inter, VIP aussi autour de cette table, Alex Vizorek. VIP puisque Guillaume Meurice, c'est le dernier épisode de son voyage à Cannes. Samir Bouadi nous parlera de sport, enfin ce qu'il en comprend. Oui. Et Clara Dupont-Monod de littérature. Et je vous représente une bonne fois pour toutes notre invité, c'est Bernard de la Villardière qui est avec nous. Clara Dupont-Monod, un type formidable qui prend des risques dans ses reportages. Antoine de Maximi est avec Nous. Pardon. Pascal sur France Inter. Fallait pas corriger, c'était bien. Il a annulé tous ses billets d'avion pour nous et nous on a feuilleté la presse. On va l'informer parce qu'Antoine de Maximi, oui, il faut vous reprendre pied boulet, avec la réalité. Écoutez, comptez sur nous, c'est tout de suite. Charline Vanhoenacker, que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi ce soir? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par une info art. Oui, le musée d'art moderne de Nice accueille en ce moment une rétrospective des peintures de Sylvester Stallone. Ah, bonne idée. Et si ça marche bien, Christian Estrosi a proposé de faire après une rétrospective des films de Vincent Van Gogh. Passons au journal Le Monde. Oui, qui consacre un portrait à Laurent Wauquiez. On apprend qu'au Caire, quand il était plus jeune, il voyait régulièrement Sœur Emmanuelle. Oui, et Laurent Wauquiez prétend, je cite, « Quand Sœur Emmanuelle me voyait, elle me regardait droit dans les yeux et me disait « Mon petit Laurent, qu'as-tu fait de bon depuis que je t'ai vu ? Alors évidemment, Laurent ne dit pas ce qu'il répondait, voilà. Et surtout je me dis, si elle lui demandait à chaque fois ce qu'il avait fait de bon, c'est parce qu'elle avait un sérieux doute sur ce qu'il pourrait lui répondre. Ah oui, en tout cas aujourd'hui, plus personne ne lui pose cette question. Et même pas lui-même, hein, c'est ça. Il répond qu'il va sur YouPorn. Peut-être. Passons à Jean-Vincent Placé qui sort son autobiographie. Oui, Jean-Vincent Placé sort son autobiographie, le titre « Pourquoi pas ma... » Pourquoi pas moi ? Et la réponse c'est « Parce que Vincent ». Un peu de science à présent. Oui, une brève du poids nous apprend qu'une étude menée sur 259 momies égyptiennes confirmerait les mariages incestueux des pharaons. Ah mais ça a déjà été prouvé sur les momies anglaises. C'est pour que les sourds dans la famille, non ? Mais excuse-moi, parce que les momies anglaises... Elisabeth II par exemple. Ah bah oui, c'est bien. Passons à la culture. On apprend dans le carnet du point que Fabrice Luchini est le parrain du Petit Larousse 2015. Ah bah ça c'est normal, c'est le seul qui utilise tous les mots du dictionnaire. Et surtout en les mettant tous dans la même phrase. C'est pas faux. Alors, en parlant de dictionnaire, via Twitter, Nabila a mentionné que ça la saoulait de ne pas y être rentrée. Bah oui, mais ça, c'est la faute de la presse. Hein. Bah, pourquoi dites ça ? Eh bah, dans les articles qui ont mentionné les gens qui rentraient dans le dictionnaire, ils ont dit oui, les gens télé-réalité, on ne les trouvera pas au dico. Voilà ce qu'ils ont dit. Bah, et alors ? Eh bah, si on lui avait rien dit, elle s'en serait jamais rendue compte. Ça aurait quand même été un coup de bol qu'elle ouvre un dictionnaire exceptionnellement cette année. Allez, jusqu'à 18h, on est ensemble avec Antoine de Maximi et on grille l'actualité comme des merguez à une manif de la CGT ou au festival Burning Man. Je sais pas s'il y avait des merguez Burning Man. Faut quand même manger. Oui, mais c'était les gens. Ah bah, j'ai mangé des huîtres en boîte. Ah bon ? Eh bah oui, ça existe. Burning et de l'omelette posters. En briques. Ah ouais ? Comme le lait. C'est au Nevada, ça. D'accord. C'est bizarre. Vous aurez tout fait faire, en fait. Premier sujet de fond. Attention, on a des nouvelles de Pierre Moscovici. Ah. Je sais que vous étiez inquiet, comme nous, évidemment. Oui, là, j'en dormais pas. Bah, ouais, écoutez, il y a le commissaire européen à l'économie, mais enfin, quand même, on a besoin d'avoir des nouvelles de temps en temps. Oui. Voilà. Alors, c'était le commissaire le moins présent à Bruxelles. C'est pourquoi il a décidé, la mort dans l'âme, de chercher un appartement à Bruxelles, comme tous ses petits camarades européens, dans le fond. Parfois, pour les appartements en colocation, il fallait passer un véritable examen. I have some questions. What are you studying? Economy. And what do you expect your life to be in about 5 years? That's a ridiculous question. You can't ask me that. Why? We have to know. I don't know what I'm going to be. J'ai tout de suite adoré ce endroit. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il m'accepte ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades, c'était celles qui avaient lieu dans ma tête en permanence depuis que je suis tout petit. L'espace d'un instant, Pierre Moscovici a été Romain Duris dans l'auberge espagnole. Ça lui a fait du bien. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un petit peu comme si Pierre Moscovici était en Erasmus à Bruxelles avec ses petits congénères. Je me demandais, est-ce que c'est pas positif finalement pour quelqu'un qui sort des heures de la République, qui est dans sa bulle à Paris, de faire un Erasmus à Bruxelles avec tous ces Européens ? Est-ce qu'on attend de nos politiciens après qu'ils reviennent meilleurs après cette expérience ? C'est à moi qu'on pose cette question. Bah oui, vous êtes notre référent de la République, je vous rappelle. Mais vous revenez meilleur. Déjà, meilleurs, je sais à peine ce qu'il fait, lui. Vous revenez meilleur à chaque fois, Antoine de Maximi. Ah oui, moi, oui. Non, je croyais qu'on allait parler de lui. Oui, voilà. Bah non, mais je sais, je crois direct. Hein, Non, il parle truchement de vous. Est-ce qu'il peut revenir pire ? J'en sais rien. Ça va être dur. Attendez, c'est la première fois qu'on vous demande votre avis sur Pierre Moscovici ? Ah bah clairement. Ça, c'est dingue. Ah oui, déjà, c'est écrit Moscou. Je vais vous remettre un petit peu le contexte. Oui. Donc, il a été ministre de l'économie quand même, Pierre Moscovici, assez récemment, d'un pays qui ne respectait pas ses engagements européens. Et donc, il a été promu à l'Europe, c'est la logique, hein, pour taper sur les doigts de la France ou lui obtenir des délais. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Mmh. Donc, c'est quand même idiot que ce soit celui qui vienne le moins, parce que la France, c'est quand même vraiment pas loin de Bruxelles. Alors, ça va être mon autre question, et là, je sens que ça va vous parler. Là, voilà. Ah donc, oui, mais avant, ça, c'est comme quand j'étais à l'armée. Moi, j'étais à l'armée, j'étais logé dans le casernement, j'étais toujours en retard. Parce que quand tu pars de loin... Tu prends tes marges. Tu te prépares. Tandis que là, t'es presque arrivé. Enfin, t'es dedans. Donc, tu traînes, et ben, t'arrives en retard. Vous avez des arguments pour la défense de Pierre Moscovici. Ça, c'est beau. Je crois qu'ils sont copains. Il le dit pas. Parce que lui dit que, évidemment, Paris et Bruxelles sont à 1h20. Donc, finalement, pourquoi loger à Bruxelles? Mais à Bruxelles, il logeait donc au Sofitel. Il faisait sans cesse des allers-retours en Thalys. Mais finalement, la présence parmi ses congénères, la présence, on en parlait ce matin avec Alex, on débattait puisque lui est tout le temps dans le Thalys. La présence parmi ses collègues, c'est quand même important à un moment de se fixer. Ben oui, d'aller bouffer le soir. Mais si, c'est capital, c'est comme ça que ça se soude un groupe. Sauf qu'il est tout seul. En mangeant. Non, mais parce que le monde. Avec un sandwich aussi, SNCF. Dans les couloirs de Bruxelles, dans les couloirs de ce bâtiment où on discute avec l'un avec l'autre. On va taper sur l'épaule du grec en lui disant allez, tu vas nous rembourser un peu quand même maintenant. Et j'imagine que c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais. J'imagine aussi, oui, ça doit être exactement comme ça. Bah, il faut aller dormir chez eux. Alors, en tout cas, donc, il y a un article, tout un article dans Le Point, si vous étiez comme nous, très inquiet de savoir ce que devenait Pierre Moscovici. Alors, sachez qu'il n'a plus que 7 collaborateurs. Oh, comment il fait contre une vingtaine à Bercy. Donc, comme quoi aller à l'Europe, ce qui paraît beaucoup plus grand, ça ramène dans les réalités. C'est paradoxal. C'est pas comme dans le foot. C'est mieux d'aller jouer à l'Europe et en pays d'Afrique. Lors de vos errances. Monique Ranou, allez-y. j'appelle Clara Dubonneau Monique Ranou à chaque fois qu'elle ne se souvient pas du nom de l'invité. Non, donc Monique Ranou, c'est à vous. Ah ben, c'est souvent. je l'appelle en retour Evelyne Delia. Donc, je voulais savoir, David, non, mais quand vous êtes dans vos errances télévisuelles, ce qui s'appelle un périple, est-ce que vous vous tenez un peu au courant de l'actu française? Vous avez un œil sur où vous coupez tout? Mais non, je ne coupe pas tout. J'écoute France Info tous les jours. Mais je sais pas pourquoi, ça rentre par là, ça sort par là, et puis ça fait un petit mélange au milieu, je me rappelle pas. Attendez, on a tout à fait le droit de se fiche de la vie de Pierre Moscovici. Je m'en fiche un peu. Ça veut dire que ça vous glisse dessus. Ça me distrait, puis je sais pas, après j'oublie. C'est pour ça que j'ai fait une scolarité assez moyenne. Parce qu'on m'a dit beaucoup de choses aussi passionnantes qui sont ressorties direct. Alors, j'espère que vous allez retenir quelque chose de la chronique de Samir Bouadi. Parce qu'il se donne du mal quand même. J'essaie. Moi, je vais vous parler d'un certain Sepp Blatter, président de la FIFA. Alors, c'est quoi Sepp Blatter? Alors, c'est un mammifère bipède, assez agile de 79 ans environ. Alors, il a le rire facile et il ressemble un peu à Berlusconi, dans la mesure de sa démesure et en ce sens où il mesure sans doute à peu près la même taille que l'acteur italien. Alors, grosse différence néanmoins entre les deux. Blatter, il est suisse. C'est-à-dire que il est neutre. Là où M. Berlusconi serait plutôt un homme de parti, vous voyez. Alors en effet, Sepp Blatter est quelqu'un de nuancé, de posé, qui ne fait jamais de déclaration fracassante. C'est sans doute la raison pour laquelle il est depuis 98 président de la très puissante FIFA. Alors vous me direz, c'est quoi la FIFA? La FIFA, c'est la Fédération Internationale de Football Association. Très bizarre appellation, mais ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. La FIFA, c'est des milliards d'euros à gérer, dans le but hautement humaniste de permettre à tous et à toutes de jouer au foot. Alors avec un budget prévisionnel de 2015-2018, je vais te le dire Clara, tu vas, le prix de ton appartement de 3 milliards 700 millions d'euros. La FIFA est une hydre à plusieurs têtes qui fait vachement peur à tous ceux qui tentent de l'approcher, histoire d'en comprendre le régime alimentaire. Vous me direz, surtout toi Alex, qu'une hydre avec une seule tête, c'est plus une hydre finalement. C'est une bestiole qui fait pas peur. Si, qui peut faire peur, certes, mais avec une seule tête. Bref, Sepp Blatter est donc le maître de cette bestiole. C'est lui le dompteur. Tous ceux qui ont tenté de le dénigrer, de remettre en question sa gestion, se sont vus becquetés par le monstre. Même le génial Platini fait moins le malin depuis que le patron l'a publiquement menacé de lui envoyer l'hydre. Parce que l'hydre, c'est quoi l'hydre? C'est ce vaste réseau de pays affiliés qui font allégeance au maître. Et comme Platoche veut devenir un jour le taulier du foot mondial à son tour, il va falloir qu'il attende sagement sans trop la ramener, histoire de pas se faire becter, croquer par des têtes de l'hydre, voire plusieurs têtes, parce que j'imagine que la saloperie, quand elle bouffe, elle passe d'une tête à l'autre, pour mieux déchiqueter sa proie. Parce que Blatter ne rigole pas, avec les têtes de l'hydre, même s'il sourit tout le temps. Par exemple, en 2010, il conseille aux homosexuels de s'abstenir de toute activité sexuelle pendant la Coupe du Monde de football de 2022 qui sera organisée au Qatar. Preuve s'il en est que derrière l'homme tant décrié se cache un zélateur dévoué, sensible et désireux de toujours respecter l'autre. Ce sens de l'altérité, cet amour du partage, du progrès, il les met au service donc du progrès, du noble progrès. Il vient d'ailleurs de tenter d'organiser un match de foot entre Palestiniens et Israéliens. C'était sa réponse aux demandes répétées de la Fédération palestinienne de suspendre la fédé israélienne, because les athlètes et sportifs palestiniens seraient maltraités. La fédé palestinienne a refusé cette proposition de match alors qu'Israël était manifestement ok. Dialogue de sourds, inévitablement, évidemment. Mais le très estimable Sepp Blatter s'en sort bien. Il aura essayé, le grand homme, je l'imagine chevauchant l'hydre, patrouillant en terre de misère, cherchant à faire régner la concorde. Rien ne lui échappe, il voit tout, il est omnipotent. Le foot est rond comme une orange et la terre est bleue comme un steak, pas encore saignant. Et c'est ainsi, le foot ne sauvera pas le monde, même si Sepp Blatter ne lâche rien. Lui qui déclare en 2014 qu'il n'y a pas de racisme dans le foot. Lui qui sourit tout le temps, donc. Lui qui ressemble à un acteur italien, donc. Lui qui traîne tant de casseroles sans faire le moindre bruit, donc. Chez lui, tout est feutré, le foot est une histoire de bus, dont il faut descendre pour aller t'en découdre. On se souvient de Naïsna, celui de l'équipe de France de foot, qui a mal tourné, cette Coupe du Monde pourrie. On oubliera, et c'est heureux, rapidement, ceux, je parle des bus, que certains auraient dû prendre de force, sans l'intervention logique d'un premier ministre israélien brillant sur ce coup-là. Le foot aurait-il eu son mot à dire dans cette histoire sacrée, Sepp Blatter? Jamais là où on l'attend. Tiens, au fait, puisque c'est Cannes, ne nous souvenons pas de ce film présenté l'année dernière au festival, le 18 mai exactement. Le film s'appelait United Passion. Film à la gloire de Sepp Blatter himself. La FIFA a financé cette bouse dans laquelle Tim Ross, patauge. Ça, c'est de la gestion quand même. Merci Samir Bouadi. Vous savez quoi? J'ai vérifié, FIFA, c'est effectivement c'est ça, comme vous avez dit, Fédération Internationale de Football Association. Le type n'a pas fait une seule erreur. Et c'est pas une chanson de Alex Vizorek, c'est pas une chanson de Balavoine ça, la FIFA? La FIFA, excellent. Je pensais qu'à Alex Vizorek, elle allait la faire parce que c'était ses favorites. Alex Vizorek est humoriste, c'est son métier. Comment gâcher un très beau papier avec un jeu de mots. Ok, très bien, ah ben, vous l'aurez voulu, voilà. Non. Frequencies. Everything in life is so visual. Bienvenue sur Fréquence Ibiza. C'était Club Cheval, un groupe électro-français pourtant quatre étudiants qui se sont rencontrés à Lille. Le titre s'appelle From the Basement of the Roof. Oui, nous sommes toujours avec Guy Lagache qui est venu spécialement pour nous aujourd'hui. C'est un des animateurs préférés de Clara Dupont-Molon d'ailleurs. Antoine de Maximi est avec nous. Oui, il publie fois. D'ailleurs J'irai dormir chez vous, le tome 2 aux éditions de La Martinière. Vous êtes dans Si tu écoutes, j'annule tout. Une émission préparée, on ne dirait pas, mais c'est préparé, par Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet, Benjamin Riquet est à la réalisation. Et maintenant, Antoine de Maximi, c'est l'heure du reportage de Guillaume Meurice à Cannes. Écoutez attentivement, vous nous direz si c'est conforme à votre expérience où vous avez dormi à Cannes. On va voir ça ensemble juste après. Guillaume, c'est à vous. Oui, Charline, on termine cette saga au Festival de Cannes par les fameuses soirées cannoises, des fêtes où les jeunes comédiennes entendent souvent des réalisateurs leur dire « Tu sais, j'ai envie de te faire tourner, toi. » Mais comprennent seulement en fin de soirée qu'il ne s'agissait pas de cinéma, évidemment. Des fêtes où l'on encense Roman Polanski et Woody Allen, ce qui fait regretter à Marc Dutroux de ne pas être un cinéaste à succès. Donc, je ne savais pas si j'étais vraiment prêt pour ce genre de soirée. Alors, j'ai voulu commencer soft. Je me suis d'abord rendu à l'amicale bouliste cannoise qui profitait du festival pour organiser une petite fête. D'ailleurs, est-ce que les joueurs de pétanque vont voir des films ? Ah, moi personnellement, non. Est-ce que vous avez vu des films de boules? Pas de films de boules non plus. Non. Non, je regarde le festival. Est-ce que vous aimez les films de boules? Oui, oui. Vous en regardez beaucoup? Non, je regarde quand il y a des belles compétitions, je les regarde. Ah, il y a eu incompréhension, visiblement. Bon, de toute façon, je sais très bien ce que vous attendez de moi, que je vous fasse vivre une vraie soirée cannoise. Alors, je me suis dévoué, je suis allé dans une de ces fêtes. Je ne vous dis pas comment j'ai eu l'invite, hein, parce que je tiens à conserver le peu de dignité que j'ai encore auprès de ma maman. Mais bon, j'y étais. Alors, villa sur les hauteurs de Cannes, piscine, jacuzzi, champagne et actrice. Ici, moi, je trouve que les gens sont simples. On est à la bonne franquette. Il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, je le ressens pas comme ça. Je trouve que c'est simple, c'est bien, c'est accessible. C'est vrai que tout le monde est mal habillé, finalement. On se sent bien. Bah, écoutez, je suis pas mal habillé. Qu'est-ce que vous racontez? Oups, pardon, madame. Excusez-moi. C'est vrai qu'un haut panthère et des escarpins fuchsia, ça peut être super tendance dans une soirée cannoise. C'est juste que j'avais pas les codes. Hein, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai également rencontré un créateur de mode. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je suis surtout là pour me détendre, apprécier les lumières de la ville parce qu'on est dans les hauteurs et puis rencontrer des personnes un peu différentes qui twistent la différence, comme vous d'ailleurs. Et puis comme des personnes qui quoi? Qui twistent la différence. Ah, mais ça on pige pas, ça veut dire quoi? Est-ce que t'as déjà dansé un twist? Un twist? Oui. Quand on twist, on se déhanche et forcément on n'a pas la même cadence que quand on danse un tango. Mais après, c'est vrai que la danse n'a rien à voir avec le cinéma, bien qu'il y a beaucoup de comédies musicales avec des chorégraphies. Oh, putain. Attends, coupe, parce que j'avais mal à la tête alors que j'avais encore rien bu. Bon, c'était certainement un ami personnel de Jean-Claude Van Damme, ou le dealer de Jean-Claude Van Damme, je ne sais pas. Avec qui d'ailleurs j'ai parlé ensuite cinéma. Je pense que tu vois, le film Tony Montana a vraiment cassé les codes. Et après, Stallone a un peu pris le relais dans tous ses films où forcément t'as des taxis, des putes. Il y en aura ou pas ce soir? Je ne sais pas, tu sais, moi je suis quelqu'un de très très calme et d'assez sérieux. Je suis très très sérieux et je ne touche pas à ce genre de choses. Je ne prends pas de taxi, je ne connais pas de prostituées et je ne suce pas de glace. Oh là là, voilà, d'accord. Alors, ça ne regarde pas mon ami. Je note qu'il vous tutoie quand même. Ouais, il a commencé en vous voyant et après il m'a tutoyé. C'est un ami. Enfin bon, tu suces ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Il commençait à me faire un petit peu flipper, lui. Coup de chance, la fête touchait à sa fin. Mais qui dit fête, dit après fête. Et Cannes, au petit matin, c'est encore un autre spectacle. Entre les petits vieux à déambulateurs et les zombies qui sortent de soirée, c'est plus la croisette, c'est Walking Dead. Ou la fin de La Nuit des Morts Vivants, la preuve. Quoi, c'est France Inter? Déjà, non, mais... Ok, attends, je vais t'expliquer. Attends, je peux expliquer. Vas-y, c'est pas un problème. Bon, vas-y, là, t'as vu, on est sur la Canebière. Eh non, loupé, parce que la Canebière, c'est à Marseille, mon pote. Mais bon, à cette heure-ci, on n'est pas à 150 km près. Bon, je me suis éloigné parce qu'il me parlait très très près du visage et du nez. Hein. C'est vrai que ma passion, c'est pas forcément les comas éthyliques. Contrairement, semble-t-il, à ces deux jeunes filles avachies sur la plage à 8h du mat, avec combien de litres de vodka dans la musette? Oh non. je sais pas. Oh, ça se compte plus. Hein. Et donc là, vous avez dit, tiens, si je faisais une sieste en plein soleil? Mais non, je comptais pas m'endormir à la base. T'as une putain de bête dans les cheveux. Voilà, donc la bête dans mes cheveux, c'était mon casque en fait, hein, tout simplement. Voilà, pour vous donner une idée du taux d'alcoolémie à peu près. Non mais je n'exagère pas du tout. Au petit matin sur la croisette, ça sent autant le vomi que dans la tête de Robert Ménard. Pour conclure cette semaine d'immersion au Festival de Cannes, retournons à la fête en compagnie d'un producteur de films. C'est une merveilleuse soirée, c'est une très très belle soirée. Vous trouvez? Oui, absolument. Il y a des gens aussi sympathiques que vous. Oh, vous êtes gentil. Ah oui, non, je sais pas, je constate, cher ami. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de gens qui ont l'air sincères ce soir? Non, mais c'est bon. Même s'il y a des mensonges qui traînent de part et d'autre. Il y a des mensonges, vous pensez? Bah, sinon, on n'existerait pas, voyons. Ah non, ça me déçoit. Moi, je pensais vraiment que c'était un monde de sincérité, de bonheur et de bienveillance. C'est un monde de sincérité dans le mensonge. Ah voilà, un monde de sincérité dans le mensonge. Et si c'était ça la définition du cinéma? Et si c'était ça la définition du monde du cinéma? Et si c'était ça la définition du monde tout court? Guillaume Meurice dans ses œuvres à Cannes. Antoine de Maximy, vous avez des souvenirs de Cannes? Vous avez testé le festival, vous? Ah, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai tourné un « J'irai dormir chez vous » à Cannes pendant le festival, où j'ai fini Pierre et Vacances. C'était très, très, très loin de la croisette. C'était marrant. Et là, j'y suis retourné cette année. C'était pas prévu. Je me baladais en moto dans le midi et j'ai un copain qui m'a appelé là-bas. Je suis passé, on a passé une soirée assez sympa, il avait ses entrées, on s'est retrouvés sur la terrasse du Marriott, c'était très bien. Puis après on est allé boire des coups, puis sur le coup de 4 heures, je me suis dit bon, je dors où ? Alors j'ai commencé à faire mon boulot et à demander à droite à gauche où je pouvais dormir. Et puis bah ça a pas tellement mordu, donc j'ai fini au Formule 1 et j'ai aimé le fait de passer de la terrasse du Marriott au Formule 1 où les toilettes sont sur le palier, la douche aussi. Parce que j'aime les contrastes. Vous posez la question où je dors vers 4h du matin. Il faut vraiment ça dépend de l'heure à laquelle je me couche, mais disons ouais. Peu de temps avant de tomber. Donc ça d'accord. peut être 4h. Ouais, vous mettez un petit laps de temps quand même de sécurité, quoi. Le oui. temps de se poser la question. Oui. Très bien. C'est un conseil, oui. parce que c'est radio de service public, donc on donne visiblement, les deux jeunes filles sur la plage, elles n'ont pas posé la question. Ouais, vous n'avez pas besoin d'hôtel. Allez, avec Antoine de Maximy, on retapisse l'actualité du sol au plafond. Et on aborde le sujet 2, l'économie du partage. Elle se niche partout, jusque dans les entreprises qui pourraient aller jusqu'à partager ou s'échanger leurs salariés. Pour ça, il faut déjà avoir intégré un minimum de vivre ensemble. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai amené toutes mes affaires. J'en ai marre de pas dormir avec toi tous les jours, je m'installe. T'installes où ? Chez toi. Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends ? Ni toi, ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seul, tu comprends ? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème. Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. Ça vous Bretman dans la crise de Colin Serrault. J'imagine que ça vous dit quelque chose, ce petit extrait. Ça oui. résonne en vous, Antoine de Maximy. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre que le partage se monnaie et qu'il soit devenu une économie même juteuse, vous qui vivez du partage dans votre vie professionnelle, du moins? Alors, est-ce que je vis vraiment du partage? Je ne sais pas que ça se monnaie. Oui, parce que ça fait baisser les coûts, je suppose que c'est ça l'idée. C'est l'idée. Alors, c'est l'idée d'être rentable aussi, hein, parce qu'il y a, oui, plein. Y en a qui... tout ce qui est Uber, Airbnb, etc. Il y a quand même une grosse rentabilité derrière. J'ai l'impression. Puisque ces gens-là deviennent très riches. C'est vrai. Alors, finalement, vous êtes aussi dans l'économie du partage. C'est-à-dire que. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça, parce que. Vous prenez tout, vous donnez rien, vous. Non, alors ça me pose souvent la question, qu'est-ce que vous donnez en partant? J'ai fait exprès, d'abord je donne, mais j'aime bien dire l'inverse, je donne rien, puis si je peux piquer un porte-monnaie, je suis content. Mais en fait, c'est pas vrai. Non, je donne de mon temps, je raconte l'autre bout de la terre aux gens qui connaissent pas. Et ça, c'est un vrai cadeau, parce que ça me gonfle de le faire, je le fais pas à mes amis, parce que j'aime pas. Ça m'ennuie, et je fais des films, ça suffit. Et non, quand je vais chez les gens, c'est effectivement un partage, mais j'ai pas, je sais plus. C'est pas le mot clé qui vous viendrait à l'idée. Pas, non. C'est plutôt l'accueil, plutôt si, que le partage. Si, partager le moment. Oui. Mais là, ça avait quand même l'air d'être un petit peu financier. Quand oui, même. Oui, oui, bien sûr. Mais là, on s'éloigne, on prend un chemin de traverse. Hein, non, mais vous, c'est un des rares cas de figure où il y a la question de la gratuité totale. C'est un acte absolument désintéressé de oui. vous ouvrir les portes d'un appartement ou d'une maison et papoter avec vous, échanger une un... paillasse. Je pense que c'est même plus mais que ça, parce que les gens, ils donnent les clés de la maison. Parce que quand tu invites quelqu'un qui va dormir chez toi, tu vas dormir aussi. Donc, c'est que vraiment, tu lui fais confiance. C'est assez intime, en plus, comme geste. Quand oui même. Ça y est, déjà il est top modèle ou quelque chose comme ça. Non, ça, c'est pour ça que je continue, ouais. parce que je me dis je peux pas m'arrêter. Quand est-ce que vous faites j'irai dormir dans vous? On a déjà suggéré ça. C'est extrêmement délicat parce que c'est une fois que t'es arrivé chez la personne, ah oui, je te jure il y a un pas à franchir là qui est touchy. Et une bonne partie des endroits où Antoine de Maximy est allé dormir, c'est bien sûr le tome 2 de J'irai dormir chez vous aux éditions de La Martinière avec beaucoup, beaucoup de photos. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a que la réponse bleue ? J'irai dormir dans vous. Ah, c'est très drôle. D'accord. Pour une fois que Maurice est drôle. Je sens que j'ai une ouverture. Écoutez, vous lui poserez la question. Hein, vous verrez. Et vous savez quoi, Antoine de Maximy ? Écoutez d'abord sa chronique et vous verrez si vous avez envie d'être dans le partage si et le dialogue. Si je vais changer d'avis ou pas. Alors ça va sur l'intestin, donc je suis pas sûre. Alors, on reste dans le registre en tout cas. Merdez-vous maintenant avec ce lancement. L'actualité, c'est donc la publication du décret sur la réforme de l'éducation nationale qui s'est fait donc. Je me demande comment on va se retrouver sur un test. Vous allez voir. Publication donc qui a eu lieu dans la nuit et puis sans débat parlementaire, ce qui s'appelle en fait un passage en force. Hein, ça porte un nom. Et c'est que nous avons avancé. Mais vous allez voir. Ça va être un peu crade, je pense. Mais pas du tout. Vous me connaissez mal, cher Guillaume Meurice. Ce qui nous amène à penser que ce gouvernement, il a un problème. Un réel problème avec les intestins. Car l'intestin, ce cerveau du bas, s'il fonctionne mal, eh ben peut générer un comportement anormalement offensif. Et cela, c'est pas la science infuse, je l'apprends grâce à un livre qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin ». Attendez, vous êtes André Manoukian, vous êtes déguisé. Pas du tout. Non, pardon. « Le charme discret de l'intestin », tout sur un organe mal aimé, et il ne s'agit pas du PS. Il est signé de Gulia Anders, il est paru chez Actes Sud. Alors, vous ricanez bêtement, tel que je vous connais, mais sachez que ce livre vient de faire un carton en Allemagne. Mais quand je vous dis un carton, c'est un vrai carton. Il s'en est écoulé pour l'instant 1 million d'exemplaires, ce qui est vraiment énorme, outre Rhin. Et le livre, il est sorti en France le 1er avril. On en est pour l'instant à 40... Oui, bah, ils ont fait exprès, je pense. Mais on en est à 40 000 exemplaires pour l'instant, et il y a une réimpression. Donc, ça nous interpelle un petit peu, comme dirait l'autre. Il y a un tel engouement autour de ce livre que quand même, on se pose des questions. Alors, il se trouve que ce livre, il réhabilite cet organe mal aimé, donc l'intestin. Parce que l'intestin, soyons honnêtes, il n'a pas bonne réputation. C'est un peu comme Guillaume Meurice. Mais il y a quand même une odeur de soufre autour de lui. Ça commence, en fait, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose de noble, hein. Comme le cœur ou le poumon, on le trouve un peu sale, on le trouve en plus bourré de bactéries. Bon, et puis en plus, il débouche sur l'anus. Donc, si je peux me permettre, voilà, on évacue le sujet assez vite, en général, l'intestin. Pourtant, le ténia dit j'irai dormir dans votre intestin. J'en ai eu un. Je vais pas vous raconter comment je m'en suis débarrassé. Voilà. Alors, il se trouve que Guillaume Anders. De toute façon, l'intestin, ça nous passionne tous. On va continuer tout droit, tout droit. Elle est étudiante en médecine. Elle est toute jeune. Elle est toute jolie. Non, mais c'est un phénomène quand même. Et elle a décidé de venger l'honneur de l'intestin. Et ça tombe bien parce que l'intestin, tout le monde en a un, c'est comme une mère, hein, donc ça parle à tout le monde. Alors déjà, l'intestin, c'est comme une mère, tout le monde en a. Alors déjà, il y a l'aspect physique de l'intestin. Ça, elle le raconte. On le voit, nous, comme un long tuyau bourré de bactéries infâmes. En réalité, écrit Gulia Anders, qui a eu la chance de parcourir l'intestin grêle au moyen d'une petite caméra est en général surpris. On tombe sur cet être d'une autre espèce, éblouissant comme du velours, humide, rose et tendre. Ça donne envie. Voilà. Mais c'était précisément fait pour ça, ce livre. Et ensuite, elle met en valeur les compétences de l'intestin. Par exemple, la défécation. Alors ça, ça va intéresser tous les garçons, hein, puisqu'en général, ils s'enferment avec une pile d'automoto dans les toilettes, ça dure des heures, c'est complètement religieux. Alors que nous, les filles, nous avons un côté un chouïa plus pragmatique. Vous avez une belle vision des garçons. Voilà. Non, mais c'est la vérité, pardon, mais c'est la vérité. Alors, au fond, ils ont assez raison, les garçons, puisque la défécation est un processus hautement sophistiqué, hein, que Gulia Anders explique. Et elle signale d'ailleurs que la meilleure position pour déféquer, c'est pas debout, mais ça, on s'en doutait. Il y a 1 million d'Allemands qui ont acheté un livre qui donne des conseils pour chier tranquille. Non, voilà, mais c'est très intéressant. On en est là. Elle a eu même l'idée du livre parce que quelqu'un lui a demandé comment déféquer au mieux. C'est la réponse. Donc elle signale que la meilleure position pour déféquer, c'est pas debout, ça, encore une fois, on s'en doutait, mais que c'est. Alors, c'est ni pas, la tête non, mais à l'envers, il n'y a pas de truc dont on se doutait. Non, sinon ça tombe mal. C'est pas bon. C'est pas non plus. Assis, c'est accroupi. Parce que dans cette position. Donc les chiottes à la tue. Mais elle dit que l'angle recto-anal est droit comme une autoroute et donc c'est roulé jeunesse. D'ailleurs, en Europe. Je visualise. D'ailleurs, en Europe, s'asseoir sur une cuvette date du 18e siècle. Elle a failli avoir le prix Goncourt, hein, Et le résultat. Mais écoutez, c'est passionnant. Les hémorroïdes, comme par hasard, n'existent qu'en Occident, où on trône pour faire ses besoins. Il y a 1,2 milliard d'êtres humains sur Terre qui s'accroupissent et leur tuyauterie n'a désormais aucune pathologie. Je vais m'accroupir sur la cuvette. Mais voilà. Antoine de Maximi, vous aurez plein de choses à raconter à votre prochain voyage. Je vais emmener l'émission. Ah, c'est clair. Et alors, moi, j'aurai un rouleau de papier toilette avec moi. Alors, quand la tuyauterie est contente, le moral suit. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, l'intestin est relié à nos émotions. La vie d'Alex Vizard. Mais oui, mais c'est vrai. Écoutez bien la langue française. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit la peur au ventre, on dit l'estomac noué, se faire de la bile, digérer un échec ou une réforme, ravaler sa colère, et pas seulement des profs. Parce que. Mais ça me fait chier, vous le dites pas, ça. Bah, exactement. Mais j'avais un chouïa de pudeur et de retenue Attends, c'est celui qu'on dit tous. Voilà. Mais autant le cerveau est un organe protégé, lové dans ses méninges, enrobé de boîtes crâniennes. Bon, autant l'intestin, écrit Gulia Anders, il est au cœur de la bataille. Il connaît toutes les molécules de notre dernier repas, il voit passer les enzymes, les cellules immunitaires. Donc le résultat, c'est que le ventre passe son temps à envoyer des messages au cerveau. Regardez, je suis repu, donc hop, comme par hasard, je suis heureux. J'ai bu trop d'alcool, la tête me tourne. J'ai des papillons dans le ventre, je suis amoureux. Visorec, vous connaissez ça par cœur. Et bien sûr, une hypersensibilité de l'intestin pousse à des décisions qu'on dit viscérales, telles que, au hasard, publier un décret en loose-dé, par exemple. Alors tout ça, Gulia Anders le raconte avec beaucoup d'humour, beaucoup d'images, donc c'est accessible à tous les novices intestinaux que nous sommes. Mais en fait, elle appartient à cette jeune génération de médecins qui désacralise la blouse blanche, qui met à la portée du grand public un savoir médical. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche. Les gens, ils adorent parce que c'est raconté avec beaucoup d'humour et c'est très très clair. Pour le coup, vous n'y connaissez rien, mais on comprend tout. Je vous redonne les références. Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé, de Gulia Anders, c'est paru chez Actes Sud. Moi, je dis bravo parce que au début, on était tous en train de la railler. Je dis que ce bouquin, il doit avoir du fond. et que oui parce qu'on s'est tous tus quand même hein. Ouais. Alors vous pouvez quand même acheter le mien, attention, mais je veux dire que ce bouquin il doit être vachement bien. Et on attend le numéro 2, Pancréas et Mélisande, qui est en préparation déjà. Merci Clara Dupont-Mono. Toutes les références sur franceinter.fr. Et l'ouvrage, un autre ouvrage que vous pouvez emmener aux toilettes aussi, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de petit endroit pour lire même les grands ouvrages. Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, le tome 2 aux éditions de La Martinière. On aborde avec vous le troisième sujet de cette émission. Aïe. 56% des Français l'admettent. La bière peut se déguster avec autant de délectation qu'un bon vin. Oui, la bière peut atteindre les sommets du raffinement. C'est un article, vous pouvez lire dans Aujourd'hui en France. Spécial belge. Il était temps que les Français découvrent ça. Mais voilà, voilà. Et donc la preuve du raffinement, c'est ceci, bien sûr. Cet après-midi à Mougin, c'est la fête de la bière. Ça veut dire, c'est une fête, tu pourras goûter de la bière. Par exemple, t'as une bière, tu dis, gars, celle-là, elle est bonne. Après, tu goûtes une autre, ça, j'aime moi. On pourra dire aussi, serre-moi une petite bibine. Voilà, ça, je crois que c'est ça qu'on pourra dire plus souvent. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sous la fête de la bière. Le mieux, c'est d'y aller. Ça sent la bière de l'ombre. Les Robins des Bois, en duo avec Jacques Brel. Voilà. Donc la bière, 56% des Français admettent qu'elle peut se déguster comme un grand cru, figurez-vous. Alors, Antoine de Maximi, la bière, c'est vraiment un patrimoine commun qui rassemble toute une partie de la planète. On en trouve vraiment partout, de la Chine jusqu'en Afrique. Seulement. Il y a des pays où il n'y en a pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est rare, par exemple, où est-ce que vous n'avez pas... Bah, Arabie Saoudite, c'est difficile à trouver. C'est étonnant. Je vous le confirme. Même de la quoique j'en ai bu en Arabie Saoudite. Ah bah alors. Oui, parce que j'ai fait un documentaire avant de faire J'irai dormir chez vous. Je faisais des films animaliers, entre autres. Et on est allé filmer les babouins à Madrias. Et on était dans le camp de recherche. Bon, c'est il y a très longtemps, ils font plus de ça sûrement, mais bon... Ils faisaient de la bière. Les babouins font de la bière. Non, dans le camp de recherche. Vous avez vraiment vous en profiter de mon innocence et de mon approximation. On a vraiment vous êtes durs. Dans tous les pays où l'alcool quand même est autorisé, il y a une bière typique. C'est oui, assez fou ça. Mais de plus en plus même. Ouais. Mm. Non, parce qu'on peut même nous Belges une petite Tsingtao, ça nous fait voyager. Et pourtant, c'est... non, mais c'est vrai. Mais oui, on voyage pourtant, avec la bière. Alors les Tchèques sont les plus gros consommateurs. Les Tchèques. Eh oui. Ah bon. Ouais, oui. Si, mais Pilsner, c'est une ville de Tchéquie en fait. La Pils, la bière. Oh, c'est... Oui, mais demandez-moi comment vous savez. Spécialiste. Il a une thèse en bière. Mais ce sont les Français qui consomment le plus de bière chère. Le français, c'est toujours... Ah mais il est sophistiqué, vous voyez, il a le goût du luxe et de la chose bien faite. C'est ça, le français a toujours cette, à l'international, cette image du raffinement, du luxe. Alors, quand vous débarquez avec votre chemise rouge, vos caméras, votre sac à dos, les gens se disent, mais où est le raffinement français? Qu'est-ce que vous faites? Il y a un Sofitel à côté. Mais dis donc, vous êtes en train de dire à notre invité qu'il est mal sapé. Non, mais ça, j'ai compris. Il y a un moment où les gens ne viendront plus. Ça, je vous le dis comme je le pense. Quand vous arrivez chez les gens et que vous puez le fromage de chèvre comme ça, c'est quand j'enlève mes chaussures, ça. C'est moi, je me couche. Moi, Antoine, j'étais content de vous accueillir. Vous êtes un ambassadeur de la France à l'étranger. Une fois, je me suis fait pourrir par un mec comme ça qui disait « Monsieur, est-ce que votre mission est scandaleuse, vous représentez la France ?» Moi, je revendique rien. Mais alors, les gens sont curieux de la France. Alors déjà, le français, les gens savent le placer sur la carte, la France. Parce que nous, si on sonne et on dit « Bonjour, on est belge », on dit « Mais vous venez ?» Mais même les Américains ont fait d'énormes progrès. Ah oui ? Mais oui, c'est la télé. Ah oui, alors cela dit, nous, si on nous demande de mettre l'Ohio sur une carte, on ne pourrait pas. Donc, quand les Américains ne savent pas mettre la France, ce n'est pas très très grave. Vous, évidemment, j'imagine que vous savez comment faire. Et cette particule de votre nom, c'est... c'est une vraie. C'est une vraie. Ah, j'y suis pour rien, donc. Mais vous êtes passé donc des lits à baldaquins et des châteaux en Touraine, j'imagine, à ce mode de vie un peu roots. Dormir par terre sur des cailloux. Voilà. Mais ça, c'est la question de la baronne, Clara Dupont-Mono. Voilà. Non, mais c'est intéressant quand même. Pourquoi vous avez fait ce grand écart social? Comment t'es un noble parce qu'il y a eu la révolution. Normalement, je devrais rien foutre là. Je devrais juste gérer des terres, des trucs comme ça. Et puis on a dépossédé avant que je naisse. Cette émission prend un drôle de tour. Oui, c'est vrai. Il y a une sorte de tension. Et elle va prendre un tour encore plus étrange. Attention, oui. Alors que c'est le moment du sketch. Antoine de Maximi, est-ce que vous acceptez de jouer un rôle qui n'est autre que vous-même? Voilà, attends, faut que je prenne mes prothèses. Mettez les lunettes. Je me suis dit qu'il y avait quand même un petit épisode spécial qu'on pouvait jouer de votre émission. Attention, on y va. J'irai dormir chez vous, spécial. Aujourd'hui, Antoine de Maximi repart pour une nouvelle aventure. Une fois de plus, il va à la rencontre des gens qu'on n'entend pas assez souvent. Et si nous le retrouvons dans le 15e arrondissement, il va essayer d'aller dormir chez vous. Bonjour madame. Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur ? Antoine de Maximy. Oh, un noble ! J'aime les hommes de pouvoir. Et vous, vous êtes ? Valérie Trierweiler. Ah, très bien Valérie, est-ce que je peux dormir chez vous ? Antoine, entrez déjà. Oh, j'entends que vous écoutez du jazz. Oui, c'est Billie Holiday, la chanson « My Man ». Ah, j'abomine le jazz, mais enfin bon, je connais. C'est l'histoire d'une femme qui pleure son homme. Oui, ça me fait penser un petit peu à mon histoire, mais vous savez, moi, je n'aime pas trop en parler, je suis pudique. Oui, je comprends. Vous savez, Antoine, ma vie est un roman. Eh ben, vous devriez écrire un livre. Ah oui, Antoine, merci pour cette idée. Et vous ne le voyez plus, cet homme ? Non, Antoine, je ne veux pas le déranger. Ah, c'est très élégant de votre part. Oh, vous savez, je n'aurais rien à gagner à lui pourrir l'existence. Ah, bien sûr, oui, si toutes les femmes étaient comme vous. Et vous, Antoine, vous avez une femme ? Disons que ça me gêne d'en parler. Oh, de toute façon, je ne suis pas jalouse, enfin... Avant que ça capote, je suis pas jalouse. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Si, Antoine, tu vois très bien. Antoine, prends-moi, Antoine. Mais non, non, mais non. Mais si, mais si. Et vous savez quoi ? En plus, c'est toi qui m'as dit que tu voulais dormir ici. Secoue-moi, Antoine. Oui, mais j'avais dit dormir. Vous savez quoi ? Je crois que je vais y aller. Pas mal, Antoine. Merci, Valérie. Je vais aller ailleurs. Antoine. À bientôt, hein, je reviens. Encore une belle aventure, et la semaine prochaine, vous irez chez Mike Tyson. Merci Alex Vizorek pour ce sketch. Vous avez bien fait de pas me donner les feuilles avant, hein. Moi j'ai découvert un dur. À la fin, Valérie Trierweiler, sous la plume d'Alex Vizorek. C'est le jeu du merci sketch découvert. Merci Antoine de Maximy d'être resté avec nous. Je rappelle, J'irai dormir chez vous, le tome 2, aux éditions de La Martinière. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Nous aussi, Alex il sait. Mais c'est pas que je le sais. Merci beaucoup Antoine de Maximy. Demain, Didier Van Kovelart sera là. On laisse le mot de la fin à l'élégance, fait homme. Le mot de la fin à Jean-Luc Lahaye. Que je me tape Julie Pietri. Non, merci.